que nous dansons toute la nuit. Toute la nuit, toute la nuit. Et nous dansons toute la journée, toute la journée. Nous dansons toute, toute, toute.